Chant numéro 10. Après avoir franchi le seuil de cette porte que les mauvais penchants nous empêchent d'atteindre, faisant passer pour droit le chemin tortueux, je compris, grâce au bruit, qu'on l'avait refermée. Et si j'avais tourné la tête pour la voir, ma faute aurait-elle eu quelque excuse décente. Et déjà nous montions par la brèche d'un roc, qui formait des détours allant de tous côtés, comme l'onde qui fuit et court par mille bras. « Il faut en cet endroit user d'un peu d'adresse, » me dit alors mon maître, « et parmi ces détours, profiter de celui qui nous aide à monter. » Cela ralentissait à ce point notre marche que la lune en décours avait déjà gagné le lit où d'habitude elle va se coucher, avant que nous fussions dégagés du goulot. Et lorsqu'au ciel ouvert nous sortîmes enfin, où la côte là-haut forme comme un palier, moi presque à bout de force, et les deux incertains quant au chemin à suivre, un plateau nous reçut, plus solitaire encore qu'un sentier au désert. À partir de son bord qui confine à l'abîme, jusqu'au pied du rocher qui monte vers la cime, la stature d'un homme aurait tenu trois fois. Et aussi loin que l'œil pouvait s'aventurer, à ma droite aussi bien qu'à gauche, il me semblait voir que cette corniche était partout pareille. Nous n'avions pas encore fait un seul pas là-haut, lorsque je m'aperçus que le flanc du rocher, dont le pourtour formait un mur tombant à pic, était de marbre blanc, orné de hauts reliefs, si beau que Polyclète et même la nature devraient, en les voyant, se tenir pour vaincus. L'ange qui vint sur terre apporter la nouvelle de la paix si longtemps ardemment souhaitée, ouvrant le ciel fermé par le long interdit, y paraissait sculpté devant nous, si vivant dans sa belle attitude empreinte de douceur qu'on ne croyait pas voir une image muette. On eût presque juré qu'il prononçait « Ave », car à côté de lui on apercevait celle qui d'un seul tour de clé ouvrit l'amour suprême. Et par sa contenance elle illustrait ces mots « Ecce ancilla Dei », bien plus fidèlement que l'empreinte du sceau s'imprimant dans la cire. Ne reste pas fixé toujours au même endroit, me dit mon doux Seigneur, me gardant près de lui, du côté qui ressent les battements du cœur. À ces mots, je tournai les yeux, et je pus voir, au-delà de Marie, et du même côté où se tenait celui qui dirigeait mes pas, un sujet différent gravé dans le rocher. Je dépassai Virgile, et m'approchai de lui, afin de mieux pouvoir l'embrasser du regard. On voyait entaillé dans la paroi de marbre le char avec les bœufs qui traînait l'arche sainte, dure à qui s'ingérait dans l'office des autres. La foule allait devant, et comme elle semblait répartie en sept chœurs, le regard me disait « Ils chantent !» et l'oreille « On ne les entend pas !» De la même façon, l'encens et sa fumée, qu'on y représentait, mettaient en controverse, pour un oui, pour un non, les yeux avec le nez. Là, marchant au-devant du sacré réceptacle, on voyait, court vêtu, danser l'humble psalmiste, s'y montrant à la fois et plus et moins qu'un roi. À côté se montrait, assise à la fenêtre d'une belle maison, Michol, qu'on devinait à la fois étonnée et pleine de mépris. En poussant au-delà de l'endroit où j'étais, je contemplais de près une nouvelle histoire, dont la blancheur brillait au-delà de Michol. J'y voyais retracer l'image des hauts faits de ce prince romain dont le rare mérite fit gagner à Grégoire une grande victoire. Je parle du portrait de l'empereur Traian. Une veuve avait pris son cheval par le frein. Son geste exprimait bien ses larmes et sa peine. Autour de lui piaffait une foule innombrable de cavaliers romains, et le vent agitait par-dessus leur cimier les aigles sur Candor. Parmi tous ces soldats, la pauvre vieille femme semblait dire « Seigneur, je demande justice pour le meurtre d'un fils dont j'ai le cœur brisé. » Il semblait lui répondre « Nous allons au retour voir cela. » Mais alors elle disait « Seigneur !» Et l'on sentait la peine étouffer ses propos. « Si tu ne reviens pas, un autre aura ma place, il te fera justice. » « Et que te sert, dit-elle, le bien qu'un autre fait, s'il ne te chaud du tien ?» Il dit alors, « Courage, il faut que je remplisse ce devoir sur le champ, avant de m'en aller. La justice le veut, et la pitié l'exige. » Celui qui n'a rien vu qui fut nouveau pour lui, peut seul représenter ce langage sensible, et nouveau pour nous seuls, qui n'en possédons pas. Comme je regardais avec un vif plaisir l'exemple édifiant de tant de modestie. Plus cher encore, grâce à son divin auteur, « Voici venir des gens, murmura le poète, qui s'approchent de nous, marchant au ralenti. Ils diront le chemin que l'on suit pour monter. » Mes yeux, toujours contents de tout fouiller partout, afin de contempler les nouveautés qu'ils aiment, s'étaient déjà pressés d'aller à leur rencontre. Je m'en voudrais pourtant, si tu voulais laisser ton bon propos, lecteur, en apprenant ici comment Dieu nous oblige à payer notre dette. Ne regarde donc pas la forme des tourments. Pense à ce qui s'ensuit. Pense qu'au pis aller, il ne saurait durer que jusqu'au grand procès. Moi, je lui dis alors, « Maître, ce que je vois venir ainsi vers nous ne semble pas des hommes. » Je ne sais ce que c'est, ni s'il faut croire aux yeux. » Et il me répondit, « La nature sévère de leur punition les tient ployés à terre, tant que j'en ai douté moi-même tout d'abord. Mais regarde-les bien, tâche de distinguer ceux qui se traînent là, courbés sous les rochers. Tu peux les voir déjà se frapper la poitrine. » Chrétien présomptueux, ô pauvre malheureux, dont l'esprit malportant a si courte la vue, qu'il prend pour de l'avance une marche à rebours. N'as-tu donc pas compris que nous sommes des vers, d'où se dégagera le papillon céleste, pour voler droit vers Dieu, sans craindre les écueils? D'où vient que ton orgueil lève si haut la crête, oubliant que tu n'es qu'un avorton d'insecte, un vers dont la nature a raté la façon? Comme ces corps humains qui servent de console et soutiennent parfois le toit ou le balcon, ployant jusqu'à toucher du genou leur poitrine, font par leur fausse peine à celui qui regarde une peine réelle, ainsi je les voyais venir quand je pris soin de mieux les observer. Ils étaient, il est vrai, plus ou moins accablés, selon qu'au dos leur charge était plus ou moins lourde. Mais celui qui montrait le plus de patience semblait dire en pleurant, « Hélas, je n'en peux plus !»